la peinture de ma foi. L'odeur de la peinture fraîche fait celle sur renouveau de ma foi. Les nuits urbaines du nord embêtent ma peur avec le Coran. Ce poète juste en répond à mon énergie animée, au dessert de mon lignes, de mon discours, de mon écriture. Poète n'est qu'une illusion, en tout cas, et au sens strict de avant pour préciser plus tard. C'est un pronostic au juste poète, une intuition. Il ne reste plus que continuer à nourrir votre culture hybride, à renforcer la question magistrale et polyvalente de votre multilingue, à maintenir votre espèce naturelle à jour. Jules César, le cas.